En attendant, pour ne pas rester au-dessous de sa réputation, Chausserouge songea à corser son spectacle. Outre les vieux numéros traditionnels dans la ménagerie, il fallait trouver une attraction inédite, un exercice nouveau capable d'exciter la curiosité et de passionner le public. Chausserouge savait que les Italiens, fort friands de ce genre de spectacle, ont chez eux des dompteurs renommés. Il ne voulut pas qu'il pût résulter de la comparaison une infériorité pour les dompteurs français. En un mot, pour réussir, il convenait de mettre tous les atouts dans son jeu, mais il avait beau chercher, il ne pouvait rien trouver qui n'eût déjà été fait. Et le temps pressait, l'époque arrivait où il allait falloir se mettre en route. Ce fut le signor Baldini qui eut le premier une idée qui, disait-il, devait révolutionner l'Italie. « Vous avez, dit-il à Chausserouge, dans son patois moitié français, moitié italien, une petite fille bien intelligente, et dont vous pourriez tirer un parti excellent. »« Ma fille !» s'exclama Chausserouge, qui comprit et qui frémit à la pensée d'exposer Zazette à un pareil danger. « Vous n'y pensez pas. Me servir de mon enfant, ça jamais. »« Pourquoi ? Elle est très brave. Elle adore les animaux. Et vous avez sur eux une puissance telle que votre seule présence suffira pour la mettre à l'abri de tout péril. » N'avez-vous pas maintes fois fait entrer avec vous dans vos cages des étrangers avides d'émotions inédites? Oui, des étrangers, mais ma fille, je ne me sentirai plus la même sûreté. Au contraire, votre autorité sera décuplée, et dès l'instant que vous êtes sûr de n'avoir pas à redouter de défaillance de la part de votre petite fille, qui est inconsciente du danger, qu'avez-vous à craindre? Sa mère n'y consentira jamais, dit Chausserouge qui faiblissait. Baldini haussa les épaules. « Madame Chausserouge vous connaît trop pour douter de vous, et elle ne veut pas, par son entêtement, vous forcer à refuser une occasion de fortune. Je vous assure, c'est la fortune assurée. Mais alors, quelle sorte d'exercice ferons-nous? Je pensais d'abord à la restitution d'une scène biblique, Daniel dans la fosse aux lions, par exemple. L'enfant figurerait Daniel, jeté en pâture aux animaux et délivré par l'ange. L'ange, ce serait vous, avec un joli décor, de beaux costumes, une mise en scène soignée. » Ça ferait beaucoup d'effet. Oui, mais il faudrait laisser Zazette quelques instants seule dans la cage. Naturellement. Alors n'y pensons plus. Ce sera déjà bien beau si je consens à la faire entrer en même temps que moi. La laisser seule, ce serait une témérité. Ce serait courir au-devant d'une catastrophe. Alors, une idée plus moderne. Vous pénétrez comme d'habitude dans la cage centrale où sont rassemblés vos animaux, et vous êtes accompagné de la petite Zazette, costumée en clown. Vous accomplissez vos exercices ordinaires que répète comiquement votre petite fille, dans la mesure qui vous paraîtra possible. J'aime déjà mieux cette combinaison. Alors, c'est entendu? Je vais m'occuper de la confection des affiches. Attendez, pas avant que je n'aie consulté ma femme. Chausserouge se heurta, comme il s'y attendait, à la résistance d'Amélie. Comme si elle n'avait pas assez de transes continuelles dans lesquelles elle vivait tous les jours, chaque fois que son mari entrait dans les cages. Ah oui, bien sûr, elle se refusait à se contenter d'une expérience aussi périlleuse, qui mettrait en danger la vie de sa fille. Si plus tard il devenait impossible d'empêcher Zazette de suivre sa vocation, elle se résignerait, mais au moins à ce moment-là, sa fille ne serait plus une enfant. Elle comprendrait le danger auquel sa profession l'exposerait chaque jour, et elle serait de taille à tenir tête à ses terribles élèves. Mais pour le présent, elle, la mère, s'opposait à ce qu'il fût donné suite à un projet qui constituait à la fois une imprudence et une mauvaise action. Le dompteur, que les raisons de Baldini avaient pourtant à moitié vaincu, fut ébranlé de nouveau. Toutefois, avant de s'arrêter à un parti définitif, il jugea utile, selon son habitude et comme il le faisait chaque fois qu'il s'agissait de prendre une décision importante, de consulter Jean Tabary. Peut-être même au fond son dilettantisme et son amour de l'imprévu, son désir de faire parler de lui, le poussait-il tout bas à accepter? En somme, n'avait-il pas jadis triomphé d'une difficulté bien plus grande, lorsqu'en Belgique il avait, sans qu'il fût jamais survenu aucun accident, laissé exécuter dans la cage centrale des expériences d'hypnoptisme? Il se souvenait de l'effet immense produit, de l'enthousiasme qu'avaient excité ses lions, rugissant et bondissant sous la cravache, par-dessus la barrière que formait une femme raidie par la catalepsie, étendue en travers sur deux chaises. Il trouva ainsi en Baldini un appui solide chez Jean Tabary. Mais c'est une idée de génie, s'écria le jeune homme, et pour la première fois je suis de l'avis de ton Italien. Mais mon vieux, avec cela, nous allons dégoter les dompteurs passés, présents et futurs. Il y a eu déjà, objecta Chausserouge, le mouton que Perdel introduisait avec lui dans sa cage centrale et qu'il parvenait à faire respecter par ses animaux. Eh bien, c'est à cela que Perdel doit sa renommée. Que sera-ce quand on saura que Chausserouge a remplacé le mouton par son propre enfant? Oui, mais songes-tu quel sang-froid il me faudra? Quelle émotion je ressentirai? Parbleu, j'y songe, et c'est justement cela qui doublera ton énergie et assurera le succès. C'est ce que Baldini me disait. Il a raison. Tu as tenté tout ce que tes collègues ont tenté. Tu les as surpassés par l'audace que tu as déployée, et c'est ainsi que tu es parvenu à te faire un nom. Il s'agit aujourd'hui d'arriver à faire ce qu'aucun d'eux n'a jamais essayé, et n'essaiera jamais. Je vais faire comprendre à ta femme que c'est à la fois ta gloire et ta fortune qui est en jeu. Songe donc, mon cher ami, tu auras réalisé l'impossible. Jean, ne me dis pas cela. Tu ne sais pas quel combat se livre en moi. Je ne crains rien pour moi. Mais songe donc, s'il allait arriver un accident, quel remords! Je ne dis pas s'il s'agissait de travailler avec la première enfant venue, mais il s'agit de Zézette, une gamine qui fait mon admiration, une gamine qui tient de toi, et qui, avec ses 9 ans, est aussi brave que père et mère. Elle a du sang de dompteur dans les veines. Te souviens-tu quand tu l'as surprise en train de caresser Néron? Et puis on lui trouvera un petit numéro, bien tranquille et bien drôle. Elle va être aux anges, ta môme. D'ailleurs, toutes les bêtes la connaissent. Elle s'est élevée au milieu d'elle. Il n'y en a pas une qui voudrait lui faire du mal, conclut en riant Jean Tabary. Les bêtes, dit Chausserouge, n'ont ni reconnaissance ni tendresse aveugle. Elles ont leur nature qui prend trop souvent le dessus, et quand on s'y attend le moins. Il ne faut pas te le dissimuler. Si je n'avais ni l'habitude, ni surtout une bonne ficelle entre les doigts, il y a probablement longtemps que j'aurais été boulotté. Et pourtant, il n'y a pas de dompteur qui soit plus familier que moi avec ces animaux. Le malheur vient quand on n'y pense pas. Vois mon père, qui pendant 30 ans de sa vie n'a jamais eu une égratignure. Il a suffi pour l'enlever d'une circonstance bête. Enfin, qui ne risque rien à rien, veux-tu que je t'indique un moyen de triompher sûrement des résistances de ta femme? Demande à Zézette si elle a envie de t'accompagner dans les cages. Oh, je suis sûr de la réponse, dit Chausserouge en souriant. Essayons toujours, ça ne coûte rien. Le dompteur fit venir sa petite fille. Zézette, déjà grandette pour son âge, accourut joyeuse à l'appel de son père. Écoute, mignonne, lui dit François très tendre, tu sais que je t'ai promis de te faire un grand, grand plaisir si tu étais sage, et si tu travaillais bien. Eh bien, je suis content de toi. Veux-tu entrer avec moi dans les cages? Je te ferai faire un beau costume et tu feras travailler les animaux, en même temps que moi. La petite fille regarda fixement son père, les yeux brillants de plaisir. Un instant, elle resta sans parole, comme si elle ne croyait pas qu'un tel bonheur pût sitôt lui être réservé. « C'est vrai, dit petit père, demanda-t-elle enfin la voix tremblante d'émotion. Tu voudrais bien? C'est pour de bon? Je te le demande, mais aussi je veux être sûr que tu n'auras pas peur. Moi, peur? De quoi? Je n'aurai pas plus peur que toi. Les bêtes, elles ne sont pas méchantes, elles me connaissent. Dis alors, c'est vrai que tu veux bien que j'entre avec toi, partout? Pas partout, mais dans la grande cage avec les lions. Et puis la grandeur, et puis l'oustique. Hein, ça va? Si tu veux, ça sera moi qui fera danser la grandeur. » Et la petite fille, sans attendre la réponse, s'échappa des bras de son père et courut au fond de la ménagerie. « La grandeur, cria-t-elle, c'est avec moi que tu vas travailler maintenant. Tu verras, mon petit, si tu n'obéis pas. » « Qu'est-ce que je te disais, dit Chausserouge à Jean. « Écoute, petit père, dit l'enfant en revenant vers François, si tu veux être sûr que je n'aurai pas peur, essaye-moi tout de suite. Tiens, veux-tu que j'entre tout de suite avec la grandeur ?»« Ah, une idée, dit Jean, fais ce que demande ta fille. Si ça va bien, j'appelle ta femme. » Quand elle verra comment manœuvre Zézette, elle finira par consentir, et avec l'ours. « Oh, celui-là, j'en réponds, interrompit Chausserouge, je me promènerai dans la rue avec lui sans rien craindre. » Séance tenante, le dompteur se fit ouvrir la cage de la grandeur. Il entra le premier et introduisit l'enfant derrière lui. À la vue de Zézette, l'ours se dressa sur ses pattes de derrière et marcha au-devant d'elle. Son père, son fouet à la main, se tenait prêt à intervenir. « Passe-moi la ficelle, dit la gamine. Et laisse-moi faire. Ah, donne-moi du sucre. » Alors l'enfant, avec un sérieux et une crânerie admirable, répéta pour son compte tous les exercices qu'elle avait vus 1000 fois exécutés par son père. Quand elle fut à 2 pas de l'animal, droite et la tête haute, elle lui donna sur les pattes un léger coup du manche de son fouet, puis élevant de la main gauche un morceau de sucre. « Voici pour vous, monsieur la grandeur, mais il faut le gagner, danser. » Mais au lieu d'obéir, l'animal fit entendre un sourd grondement, avançant le museau vers la friandise promise. « Voulez-vous danser tout de suite ?» répéta l'enfant en tapant du pied. Et se souvenant du procédé de son père pour le contraindre à travailler, elle lui cingla de sa lanière les jambes de derrière, jusqu'à ce que, vaincu par la douleur, il se résigna à sauter d'un pied sur l'autre, avec le balancement particulier aux animaux de son espèce, et qu'il accompagnait d'une série de grognements plaintifs. « Allez, allez, toujours !» criait Zézette. « Tu vois, papa, il ne manque plus que la musique !»« Courez chercher Madame Chausserouge, » dit Jean tout bas à un des garçons de piste, qui, debout devant la cage, s'émerveillait de l'audace et de l'adresse de l'enfant. Amélie arriva rapidement, sans se douter de rien. Elle resta stupéfaite. Au moment où elle apparaissait devant les barreaux, Zézette avait interrompu l'exercice et elle tendait du bout des dents à la grandeur un morceau de sucre que l'animal vint docilement et toujours chantant cueillir entre ses lèvres. « Et ce n'est pas plus difficile que cela, » fit Zézette en battant des mains, tandis que l'ours retombait sur ses quatre pattes. « Tu vois, maman, avec la grandeur, nous sommes une paire d'amis. Maintenant, à un autre. »« Ah non, ça suffit, » dit Chausserouge, tout à fait rassuré maintenant. Il saisit l'enfant, l'enleva dans ses bras et l'embrassa sur les deux joues. « Maintenant sortons, » fit-il, « en voilà assez pour aujourd'hui. »« Déjà, » dit Zézette d'un ton chagrin, « déjà, je m'amuse tant, je n'ai donc pas été assez sage. » Et avant que son père ait pu s'y opposer, elle ressaisit son fouet, courut vers l'ours qui, dans un coin de la cage, se léchait les babines. « Couchez-vous, allons, couchez-vous, monsieur la grandeur !» Elle l'empoigna par une oreille, le bouscula jusqu'à ce qu'il se fût étendu à terre. Alors elle s'assit tranquillement entre ses pattes, la tête appuyée sur le ventre de la bête. Tandis que de la main droite, elle lissait le plastron jaune et soyeux qui est la caractéristique de l'ours des cocotiers. Puis après une demi-minute de repos, elle se souleva sur un coude, baisa brusquement la grandeur sur le museau et se releva prestement. « Es-tu content, papa? Et as-tu encore peur pour ta fille ?»« Je n'aurai plus jamais peur, » dit Chausserouge, les larmes aux yeux. Il se fit ouvrir la porte et sortit avec sa fille. Amélie, encore toute tremblante, embrassa longuement l'enfant, sans pouvoir articuler un mot. « Oh, maman, maman, comme je serais sage, si tu savais comme c'est amusant. On recommencera, » dit papa, « et tu me feras entrer dans toutes les cages. » « Eh bien, madame Amélie, craindrez-vous encore ?» demanda Jean Tabary, triomphant. La jeune femme ne répondit pas. Elle leva les yeux de l'air de quelqu'un qui se soumet, quoique bien à contre-cœur. « Le sort en est jeté, » fit-elle, « puisqu'il doit en être ainsi, advienne que pourra. » À partir de ce jour-là, Chausserouge commença officiellement l'éducation de sa fille. Toutes les après-midi, il descendait avec elle dans la ménagerie et successivement, il la fit entrer avec lui dans les cages des différents animaux. Non seulement Zézette montrait un courage extraordinaire, mais encore elle prenait un plaisir extrême à ses tentatives. Elle attendait chaque jour avec impatience l'heure de les renouveler et elle enchantait son père par son entrain et sa bonne volonté. Baldini assista à plusieurs séances, et comme tout le monde, il fut frappé de l'aplomb et de l'énergie que déployait la petite fille. « Mon cher, » dit-il à Chausserouge, « souvenez-vous de ce que je vous dis, vous aurez un grand succès. » Quand on apporta pour la première fois à Zézette le costume pailleté d'argent qu'elle devait revêtir, son enthousiasme ne connut plus de bornes. Elle eut voulu débuter le lendemain. On eut quelque peine à calmer son ardeur. On y parvint en lui assurant que l'heure approchait, où bientôt elle pourrait paraître devant le public. En effet, Baldini, qui était parti en fourrier, ayant télégraphié de Turin pour annoncer que tout était prêt, que l'arrivée de la ménagerie était annoncée et préparée, Chausserouge donna l'ordre du départ. Amélie n'avait pu prendre son parti de cette double décision. Elle ne se résignait que bien à contre-cœur à quitter la France et à voir son enfant aborder si brusquement une carrière si aventureuse. Elle avait rêvé pour elle une autre existence. Mais puisque le bonheur de Zézette d'une part, le succès de l'établissement de l'autre semblait attaché à la tentative nouvelle, elle fit taire ses regrets comme ses craintes, et elle suivit son mari sans hasarder même une observation. Baldini avait bien fait les choses. Depuis 8 jours, tous les journaux étaient pleins du récit des actes de bravoure de Chausserouge. La curiosité était vivement excitée, et on annonçait l'arrivée dans la ville de plusieurs dompteurs italiens, désireux de voir de près leur illustre collègue français. Le soir du jour où la ménagerie fit son entrée à Turin, au milieu d'une affluence considérable, accourue de tous les points de la cité, et procéda à son installation, le dompteur fit, avec sa fille, une promenade dans la ville. Sur tous les murs étaient placardées des affiches multicolores en français et en italien, avec le nom de Chausserouge en lettres d'un demi-pied. « Vois-tu, » dit François à sa fille, « combien il est utile de savoir lire ?» Et s'arrêtant devant une affiche, « Tiens, comment y a-t-il là ?» Et Zazette, émerveillée, épela lentement. « Ce soir et les jours suivants, à 8h30 du soir, avec la permission des autorités de la ville, grande représentation du célèbre dompteur, François Chausserouge, pour la première fois, la fille du dompteur, mademoiselle Zazette, âgée de 9 ans, entrera dans la cage avec son père. Suivez l'ordre des exercices et la nomenclature de tous les pensionnaires de la ménagerie, en voyant son nom imprimé en gros caractères, au-dessous de celui de son père, Zazette sauta de joie. « Tu verras, papa, tu seras content de moi, je te promets. » Et de retour dans la ménagerie. « Maman, cria-t-elle, je suis sur l'affiche, si tu voyais, grand comme ça. » Le soir, elle ne mangea pas. Aussitôt après dîner, 2 heures avant la représentation, il fallut lui laisser endosser son costume, tant elle avait hâte de s'en revêtir. Avec une tristesse mêlée de fierté, Amélie remplit les fonctions d'habilleuse. Zazette était charmante dans son maillot bleu et collant, sa veste très courte soutachée d'argent, qui laissait passer les paillettes de sa ragrafe et sa perruque à toupet de clown. Son apparition en parade au milieu du fracas de l'orchestre, à côté de son père, cambré dans son dolman à brandebourg, causa une émotion. Elle se promenait très crâne devant le contrôle, une minuscule cravache à pommeau d'or passée sous le bras droit. Parfois elle s'arrêtait, faisait quelques agaceries à loustique, perchée au haut d'un piquet, passait sa main sur le bec du cormoran Gustave, et mêlait sa voix grêle à celle du bonisseur, chaque fois que les cuivres se taisaient. « Entrez, messieurs, mesdames, la représentation va commencer, entrez !» La salle était comble, quand son tour arriva de paraître dans les cages. Déjà son père, dans les périlleux exercices par lesquels il avait débuté, avait obtenu un grand succès, mais l'on peut dire que toute la curiosité s'était portée sur elle. Qu'allait pouvoir faire en face de ces fauves terribles qu'un homme comme Chausserouge avait peine à mater, une enfant de 9 ans ? L'œil brillant de plaisir, elle attendit derrière la cage que le bonisseur aidé du garçon de piste eût terminé la sélection des animaux. Amélie était là. Elle prit sa fille dans ses bras et la serra contre elle avec tendresse. « Il ne faut pas trembler, maman. Il n'y a pas de quoi. Regarde, moi je n'ai pas peur. »« Vrai ?» demanda Chausserouge, plus ému qu'il ne voulait le paraître. « Tu n'as pas peur ?»« Ah, tu vas bien voir, par exemple, » dit la petite fille en levant la tête d'un air de défi. « Après la répétition d'hier, fit Baldini, vous pouvez être tranquille, Chausserouge, et vous allez entendre les applaudissements. » « François, la gosse, » demanda Jean Tabary, qui apparut derrière la cage. « Êtes-vous prêt? Peut-on annoncer ?»« Allez-y, » cria la triomphante Zazette. Alors, d'une voix de stentor qui retentit d'un bout à l'autre de la ménagerie, Jean clama. « Le dompteur Chausserouge et sa fille Zazette dans les cages !» François frappa 3 coups du pommeau de sa cravache à la porte intérieure, qui s'ouvrit et il entra, souriant et le front haut, donnant la main à sa fille. Une salve d'applaudissements les accueillit. Tous deux saluèrent et firent 2 pas en arrière, tandis que Jean Tabary tirait un portant et livrait passage aux 2 lionnes Rachel et Saïda. « La barrière !» commanda Chausserouge. Puis, quand il eut fait en personne exécuter à ses bêtes les exercices ordinaires, et comme il feignait de donner l'ordre de les faire sortir. « Monsieur Chausserouge, » dit Zazette, « je ne trouve pas que ce soit bien fort, votre entrée de cage. J'en ferai bien autant. »« Vous, mademoiselle ?»« Parfaitement, monsieur Chausserouge. » « Est-ce que par hasard vous prétendriez faire mieux que moi ?»« Certainement, si vous voulez bien me le permettre. »« Si je permets, eh bien je serai curieux de voir. » Zazette prit une pause, comme jadis le légendaire Chadwick au cirque d'hiver, quand il s'adressait à M. Loyal et interpellant Jean Tabary. « Dites-moi, monsieur le bonisseur, vous n'auriez pas dans votre ménagerie une bête, un ours, ce que vous voudrez, à me confier pour quelques instants ?»« Un ours, si. J'aurais la grandeur. » « Mais vous allez le faire croquer par les 2 lionnes, mademoiselle. »« Nous verrons bien. Envoyez toujours. »« Faut-il, monsieur Chausserouge ?»« Allez, allez, rira bien qui rira le dernier. » Et Jean Tabary introduisit la grandeur. À peine entré et sur un signe de Zazette, l'ours se dressait sur ses pattes de derrière et avançait, marchant presque à reculons, l'œil fixé sur les 2 lionnes, qui tapit dans un angle de la cage, les oreilles basses et l'œil sanglant, découvraient en grondant leur terrible mâchoire. « Est-ce que vous auriez peur, monsieur la grandeur ?» demanda Zazette. « Voyons, allez dire bonjour à ces 2 aimables personnes qui vous sourient si agréablement. » Mais comme la grandeur secouait la tête en rechonnant, peu soucieux d'aller donner le baiser de paix aux 2 fauves. « Ah, c'est cela, monsieur la grandeur. Je ne me trompais pas. Vous avez peur. Eh bien, il faut au moins que vous vous rendiez utile à quelque chose. Puisque vous ne voulez pas aller au-devant de Rachel et de Saïda, ce seront elles qui feront les premiers pas. « Regardez bien, monsieur Chausserouge, la barrière vivante !» Par la porte de sortie, on passait deux tabourets que l'enfant disposait tout près des barreaux. Elle faisait alors monter la grandeur sur ses piédestaux improvisés, de façon qu'il posa également sur les deux sièges. Elle retirait ensuite doucement le second tabouret et jusqu'au milieu de la cage, de façon à ce que l'ours, dont la tête restait face au public, formât une sorte de barrière vivante. Puis elle marchait sur les deux lionnes, la cravache haute. « Sautez, mes belles !» Et les deux fauves, rugissant, répétaient par-dessus le dos de la grandeur l'exercice que leur avait fait exécuter l'instant d'avant François Chausserouge. « Je suis obligé de me rendre !» proclamait alors le dompteur, dès que les applaudissements qui saluaient Zézette avaient cessé. « Vous êtes plus forte que moi, mademoiselle !»« Quand je vous le disais, mais ce n'est pas tout !» Sur un signe, Jean Tabary tirait important et réintégrait les deux lionnes. L'enfant faisait alors descendre la grandeur, visiblement soulagée, couchait en travers les deux sièges, passait un mort en bois dans la gueule de l'animal, lui sautait sur le dos, et à cheval sur cette monture d'un nouveau genre, elle trottait autour de la cage aussi vite que le lui permettaient les jambes courtes de la bête pesante qu'elle actionnait de sa houssine. Elle la faisait sauter par-dessus les tabourets, puis l'arrêtait court et saluait en envoyant des baisers à l'assistance. L'aisance avec laquelle Zézette manœuvrait son ours enleva le public, qui ne lui ménagea pas les acclamations. Et elle termina la représentation en dansant une bourrée d'Auvergne en face de la grandeur, heureux de sentir enfin la fin de ses épreuves et l'heure de la récompense, le morceau de sucre traditionnel qu'il devait cueillir sur les lèvres de sa petite maîtresse. L'effet fut tel que l'avait prévenu Baldini, c'est-à-dire immense. Le bruit se répandit rapidement du début triomphal du petit prodige. Il fut de mode d'aller l'applaudir, et pendant 30 jours, l'impresario encaissa des recettes que la ménagerie n'avait jamais connues, même au temps de sa plus grande vogue. « Eh bien, dit Chausserouge à Jean Tabary, ai-je eu raison de passer outre, de ne pas t'écouter ? Je sentais bien que le succès était au bout de notre entreprise. Ah, Baldini est un malin !»« Trop malin peut-être, dit Tabary, toujours sceptique. T'a-t-il rendu des comptes ?»« Non, il faut bien d'abord qu'il se rembourse de la part qu'il a avancée pour moi. » Puisqu'il a fait face jusqu'à ce jour à tous les frais. Après, nous compterons. Alors compte donc le plus tôt possible. » Mais quand Chausserouge, que la défiance du jeune homme avait rendu soupçonneux à son tour, voulut parler intérêt à Baldini. « Mon cher, répliqua l'Italien, une affaire comme celle-là ne se règle pas du jour au lendemain. J'ai toute une comptabilité à mettre en ordre. Laissez-moi donc faire, aussi bien vous n'avez pas eu à vous plaindre de moi jusqu'à ce jour. Il faut que j'établisse une balance exacte des frais considérables dont j'ai dû faire l'avance. » Que je prépare en outre notre prochaine campagne, car voici le moment arrivé où il nous faudra quitter Turin. Je suis d'avis qu'il ne convient pas de s'arrêter en si beau chemin. À Milan, nous avons encore des recettes pareilles à réaliser. Nos bénéfices actuels vont nous permettre de jouer sur le velours sans rien risquer. Quand j'aurai fait dans la capitale de la Lombardie une publicité semblable, que nos premières représentations nous auront fait rentrer ces nouveaux débours, il sera temps de compter, et ce jour-là, vous ne vous plaindrez pas, je vous jure, de m'avoir laissé la disposition des fonds, qui dès à présent vous reviennent. » Il parla longuement pour esquisser un règlement de compte, et si bien que Chausserouge se laissa convaincre. Il fut d'ailleurs d'autant plus facile à persuader que son succès l'avait grisé. Il y avait si longtemps qu'il était déshabitué des comptes rendus flatteurs et des acclamations d'un public enthousiaste. Quant à Zézette, chaque nouvelle représentation augmentait son assurance. Maintenant son père voyait sans inquiétude approcher l'heure de son entrée en cage. Les animaux s'étaient accoutumés à elle, et pour un peu, il l'eut à présent laissé seul exécuter ses exercices. Pour renouveler la curiosité, Jean avait imaginé un nouveau numéro, la présentation en liberté de Loustic, costumé en gymnaste, à qui l'enfant faisait faire des rétablissements au trapèze et des sauts périlleux. Mocquard était également mis à contribution. Sous la direction et au commandement de Zézette, l'intelligente bête, qu'on avait affublée d'une couverture rouge brodée d'or, d'une gigantesque paire de lunettes, d'une collerette tuyautée et d'un chapeau pointu de clown, jouait de la grosse caisse, de l'orgue de Barbarie, comptait jusqu'à 10, désignait la personne la plus ivrogne de la société. Il s'arrêtait toujours devant Jean Tabary, la plus amoureuse et la plus jolie de l'assistance. Le tout scandé d'un accompagnement de cymbales que manœuvrait Loustic avec une virtuosité et une dextérité sans pareille. On inaugura également, pour la plus grande joie de Zézette, les grandes promenades dans la ville, en costume, et c'était toujours Zézette qui clôturait la marche, montée tantôt sur Mocquard, tantôt sur l'étourdi, le poney de Chausserouge. La petite prenait au sérieux son rôle d'étoile, et c'était avec le plus grand calme et le plus grand et la plus sérieuse conviction qu'elle recueillait sur son passage les témoignages de sympathie de ses admirateurs. Seule Amélie conservait toujours une angoisse dont elle n'était pas maîtresse. Chaque fois qu'elle assistait une représentation et qu'elle voyait sa fille aux prises avec les lionnes. La présence de Chausse-Rouge, attentif au moindre mouvement de l'enfant et prêt, en cas de danger, à intervenir vigoureusement, ne suffisait pas pour la rassurer. L'énergie de Zézette, qui puisait dans l'habitude une nouvelle hardiesse, loin de la tranquilliser, ne faisait qu'augmenter son effroi. Qui sait si un jour un animal mal disposé n'accueillerait pas mal un coup de houssine, appliqué imprudemment, et alors si le père allait ne pas arriver à temps? Et elle voyait son enfant, étendu, râlant sur le plancher de la cage, ses membres grêles broyés par les mâchoires puissantes des fauves. Zézette, de plus en plus inconsciente, s'amusait des terreurs que sa mère manifestait, bien à tort selon elle. « Mais puisque je te dis, maman, qu'il n'y a pas de danger, je le sais bien, moi. Ma chérie, je t'en prie, sois bien prudente, prends bien garde. » Et il fallait que Chausse-Rouge intervînt d'un ton bourru. « Ma parole, si la petite n'était pas sûre d'elle, si elle n'était pas si crâne, il n'y en aurait pas assez pour lui ficher le trac. Laisse-la donc faire. Elle n'est pas en peine. Tu vas voir à Milan. Ça va bien être autre chose. Nous sommes en train d'imaginer une nouvelle attraction, Tabary et moi. »